Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'art dégénéré sous l'Allemagne nazie. Dans un régime autoritaire, on parle d'une seule voix. Or, l'art de cette époque, c'est l'art d'individus qui expriment leurs émotions, qui expriment leurs sentiments par rapport à la réalité. Et ça, c'était insupportable. Jean-Patrick Duchesne, le commissaire d'une exposition sur l'art dégénéré présentée à Liège, en Belgique, en 2014. Cet art qui remet en question l'ordre établi, cet art qui déroge aux règles du classicisme, cet art jugé subversif par le régime nazi, n'a pas sa place sous le Troisième Reich. Et dès son arrivée au pouvoir, Hitler mènera une guerre sans merci à l'art moderne qu'il va qualifier d'art dégénéré. La haine de cette forme d'art va culminer avec l'organisation d'une grande exposition sur l'art dégénéré en 1937. À Munich. On invitera les Allemands à venir se moquer des représentants de cet art. Les Allemands seront très, très nombreux à répondre à cette invitation, tant et si bien qu'aujourd'hui encore, on se demande comment interpréter le succès monstre qu'aura eu l'exposition de Munich sur l'art dégénéré. L'art moderne prend sa revanche sur l'histoire. Le musée d'Essen en Allemagne, qui était le plus grand musée d'art contemporain en Europe dans les années 30, retrouve sa splendeur d'antan. Une nouvelle exposition présente des œuvres interdites par les nazis qui les qualifiaient d'art dégénéré. Chagall, Picasso et Kandinsky étaient mis à l'index. Le régime nazi a saisi, revendu ou détruit des milliers de ces œuvres. L'art moderne prend sa revanche sur l'histoire, dit Claude Fugère dans cette capsule d'actualité culturelle de mars 2010. La formule est belle. Et pour nous raconter ce triste épisode de l'art dégénéré sous l'Allemagne nazie, mon invité Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier de l'émission. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. C'est très, très fort comme expression d'abord, art dégénéré. D'où vient l'expression? Le concept même, à quoi réfère-t-il? Oui. Bien, il réfère déjà à la maladie. L'art dégénéré, c'est un art pathologique. C'est plus que de la décadence, que du vieillissement. Et puis, c'est exactement, on va beaucoup plus loin, on en fait presque un terme scientifique, et c'est lié à cette obsession allemande, obsession nazie, pardon, de la dégénérescence de la race. Et donc, on présente ces artistes dégénérés comme des gens malades. Ils sont donc victimes, ils souffrent d'une pathologie, et on doit absolument s'en départir. Et autant il y a pour les nazis une race, une pureté de la race, il y a aussi donc une pureté de l'art, c'est exactement, ça l'idée. Exactement. Et donc, on va opposer, c'est une vision officielle, qui est celle de l'art allemand, à cet art dégénéré, cet art qui n'est pas allemand, par définition. Et ça va devenir une espèce de chasse à l'art dégénéré, une croisade contre ces artistes. Dans quel contexte va prendre forme cette espèce de croisade, Carl Bouchard? Ben déjà, il faut se rappeler un peu de la chronologie. Donc, 1933, janvier 33, Hitler arrive au pouvoir. Il est nommé chancelier de l'Allemagne. Il va par la suite coupler ce titre à celui de président de l'Allemagne à la mort du président. Dès les premiers mois, l'objectif des nazis au pouvoir, c'est de mettre au pas l'Allemagne. C'est l'expression qu'on utilise chez les historiens. Mettre au pas, ça veut dire mettre au pas la société, la politique. Alors, la politique, c'est en pourchassant les résistants, en interdisant les partis, en annulant les élections. Et puis, par la suite, c'est essayer de mettre au pas toute la société allemande au niveau culturel, au niveau social, au niveau économique. Et tourner donc, la page par rapport à cette Allemagne qui va suivre la Deuxième Guerre mondiale, cette fameuse République de Weimar. Tout ce qui est associé à ça. Tout ce qui suit la Première Guerre mondiale, parce qu'on se rappelle, les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale. La défaite de la Première Guerre mondiale donne lieu à un changement de régime. On passe de l'Empire allemand à la République de Weimar, où a été signée la Constitution. Et c'est comme ça qu'on appelle ce régime. Et ce régime est un régime démocratique, mais qui naît dans l'instabilité et qui reste instable dans les années 20 et au début des années 30. Alors, on n'entrera pas dans toute l'histoire du déclin de la République de Weimar, mais pour les nazis, c'est un régime conspué et qu'on doit absolument éliminer de la mémoire. Pour donner place à cette nouvelle Allemagne du Troisième Reich, ils vont s'attaquer, puis on va en parler tout au cours de l'émission, à des peintres, à des sculpteurs, à ces artistes qu'on accuse de pratiquer un art dégénéré. Mais avant de s'attaquer aux arts visuels, Carl Bouchard, on va très vite s'attaquer à la littérature. Oui, on commence dès l'année 1933. En fait, le premier geste vraiment symboliquement très fort, et puis on a les images aussi de cet événement, c'est le fameux autodafé de 1933, monté par le régime nazi, mais exécuté par des étudiants dans les universités allemandes. Et l'objectif, c'était de détruire la littérature étrangère et la littérature non allemande. Alors, on a ces scènes et les images, les actualités cinématographiques sont très marquantes, de ces milliers, ces dizaines de milliers de livres qui sont brûlés la nuit dans d'immenses feux de joie pour les supporters du national-socialisme. Et c'est une façon pour eux d'épurer la littérature. Heinrich Mann, par exemple, a été mis à l'index dans ce contexte-là, et puis beaucoup d'écrivains étrangers. Alors, revenons aux arts visuels. Pourquoi, diable, les nazis décident-ils de s'en prendre à l'art moderne? Alors, on s'en prend à l'art moderne parce que l'art moderne, c'est pour les nazis l'exemple même de la décadence qui va frapper l'Occident. Et donc, l'objectif, c'est de répondre à une évolution extrêmement importante de l'art depuis la fin du 19e siècle. Si on fait un petit tour rapide, on connaît un peu, tout le monde connaît la révolution impressionniste qui a, à partir de ce moment-là, changé la façon dont on voyait la réalité, dont on représentait la réalité en peinture. On s'éloigne du figuratif. On s'éloigne du figuratif, et puis peu à peu, on s'éloigne aussi même des canons de la perspective qui sont là depuis la Renaissance. Donc, on évolue très rapidement, et peu à peu, l'artiste ne décrit pas la réalité, mais entend décrire sa perception de la réalité et de plus en plus son interprétation du réel. Et donc, après les impressionnistes, on aura les fauvistes, on aura les post-impressionnistes, et puis en Allemagne, l'expressionnisme avant la Première Guerre mondiale. Donc, différentes formes qui évoluent très, très rapidement, mais qui, de plus en plus, se distancie de l'art bourgeois et de l'art conventionnel. Et qui va conduire ultimement à l'abstraction totale, parce que c'est vrai que l'impressionnisme, c'est encore du figuratif, mais on s'entend qu'on s'éloigne tranquillement du réalisme pur. Il y aura aussi l'émergence dans ce même courant artistique d'un art d'avant-garde très, très fort, un art qui va être engagé, qui va être très, très critique face au pouvoir politique et économique. Ça rend complètement fou le régime d'Hitler. On écoute à ce propos la critique d'art Barbara Page. Elle parle des expressionnistes, justement, au micro de la journaliste Sandra Wheaton à l'émission Le Point en 1993. Ce sont des jeunes gens qui ont été engagés à la Première Guerre et qui tranquillement voient la montée du nazisme, une espèce de malaise, un déclin, et qui réagissent à ça. Et ils trouvent donc une façon, à travers l'art, d'en faire comme une arme, de réagir et de dire à la société: regardez comme vous êtes décadente, comme vous êtes moche, comme vous êtes désagréable. Donc ils vont trouver, à travers la peinture, comme une sorte d'écriture. Ils l'ont fait avec violence, ils l'ont fait avec des couleurs crues, ils l'ont fait avec des sujets peu acceptés, par exemple des sujets comme des gens de la rue, des mendiants. C'était une sorte de critique sociale, en quelque sorte. C'est plus qu'une critique sociale, c'est une attaque. Et cette attaque des expressionnistes, Karl Bouchard, des artistes de l'avant-garde, va déranger énormément le régime nazi. Qu'est-ce qui dérange tant dans cet art d'avant-garde, dans cet art dit dégénéré? Mm-hmm. Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est la critique des pouvoirs traditionnels. Alors, dans l'Allemagne d'après-guerre, se développe à la suite de l'expressionnisme une vague qui s'appelle la nouvelle objectivité, où là, on va s'intéresser à tous les marginaux de la société, aux femmes qui s'émancipent, aux prolétaires, aux ouvriers, donc dénoncer cette laideur de la société contemporaine. Alors ça, déjà, c'est pour les nazis le contraire du beau. Alors, représenter la laideur, c'est déjà pour eux tout ce que l'art ne doit pas faire. Alors, c'est déjà un problème. Par la suite, l'art moderne est condamné. Pourquoi? Ben, pour plusieurs raisons. On le considère comme un art cosmopolite, c'est-à-dire un art qui n'a pas de racines nationales. Impur, on y revient. Exactement, il est impur. Et puis, c'est tout à fait aussi dans l'esprit du temps. Les artistes voyagent beaucoup. Il y a une république culturelle en Occident. Il y a énormément de mobilité. Ce sont des artistes qui ne sont pas liés aux frontières. Alors, deuxième chose qu'on condamne. Troisième chose qu'on condamne, c'est ce qu'on va définir comme l'art métisse. Beaucoup des artistes d'art moderne modernes et d'avant-garde vont s'inspirer, par exemple, des cultures primitives. Ouais. Alors, c'est le cas, par exemple, dans le cubisme. On va être particulièrement influencé par les masques africains. Et c'est ça qui va aussi changer la façon dont on représente les dimensions en sculpture. Ce qui est un sacrilège pour les nazis, parce que ces gens-là sont des sous-hommes, entre guillemets. Exactement. Ce sont des sociétés inférieures. Ouais. On ne peut pas être influencé par des sociétés inférieures. On a plutôt un droit de domination sur elles. Autre point, c'est que cet art moderne, il est précisément moderne. Donc, il est marqué dans le temps. Mm-hmm. Pour les nazis, un art doit être atemporel, sortir du temps, être éternel. Et pour eux, le beau est éternel. Il n'y a pas de variation dans le beau. C'est quelque chose qui est immuable et qui, justement, constitue un socle culturel. Alors, cet art moderne, il est encore plus conspué dans ce contexte-là. Et dernier point, c'est le fait, et là, on doit absolument, je pense, le mettre de l'avant, même si ça reste un peu une explication psychologique. On se rappelle tous qu'Hitler est un artiste, un artiste raté, un artiste qui a échoué aux Beaux-Arts et qui avait une patte plutôt conventionnelle dans sa peinture. Et puis, évidemment, on retrouve toujours dans les écrits sur le sujet cette idée que Hitler avait personnellement une dette et une haine envers l'art moderne. C'est une grande question. Jusqu'à quel point cette chasse à l'art dégénéré n'est pas en grande partie l'affaire d'Hitler lui-même, personnellement? On écoute un extrait de son ouvrage Mein Kampf, parce qu'il parle dans Mein Kampf déjà de l'art, de l'évolution de l'art vers la modernité. Extrait de Mein Kampf lu par Huguette Ligny à l'émission Chronique de l'entre-deux-guerres diffusée en 1967. Déjà à la fin du siècle dernier commençait à s'introduire dans notre art un élément que l'on pouvait jusqu'alors considérer comme tout à fait étranger et inconnu. Sans doute y avait-il eu dans des temps antérieurs maintes fautes de goût, mais il s'agissait plutôt dans de tels cas de déraillements artistiques auxquels la postérité a pu reconnaître une certaine valeur historique. Il y a 60 ans, une exposition de témoignages que l'on a appelée « dadaïste » aurait paru tout simplement impossible et ses organisateurs auraient été internés dans une maison de fous, tandis qu'aujourd'hui, ils président des sociétés d'artistes. Quand une idée nouvelle, un nouvel enseignement, essaie de nier tout le passé, de le présenter comme mauvais ou sans valeur, cette seule raison doit rendre déjà extrêmement prudent et méfiant. Hitler aura des mots très, très durs dans Mein Kampf, mais aussi à l'ouverture, entre autres, ce sera un moment important dans l'art allemand nazi, l'ouverture de la Maison de l'art allemand à Munich le 18 juillet 1937. Hitler, là également, aura des mots très durs, va y aller d'une véritable charge contre ce qu'il qualifie d'art dégénéré. Oui, je pense qu'on doit absolument en parler parce que le texte est intéressant, le discours est intéressant parce qu'il montre déjà à quel point Hitler est assez au fait de l'art contemporain. Donc, il connaît les termes, il connaît les courants, mais justement, c'est pour mieux les critiquer. Je pense que ça vaut la peine de le citer. L'ouverture de cette exposition a sonné le glas de l'abêtissement de l'art allemand et par conséquent de l'anéantissement culturel de notre peuple. À partir de maintenant, nous mènerons une guerre implacable d'épuration contre les derniers éléments de la subversion culturelle. S'il y avait parmi eux quelqu'un qui se croit encore destiné à une mission plus élevée, il disposait de 4 années pour prouver ses intentions. Mais ces 4 ans nous ont suffi pour parvenir à un jugement définitif. Maintenant, nous allons dénicher et écarter toutes ces cliques de bavards, de dilettantes, d'escrocs de l'art qui se soutiennent entre eux. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas opposés à ce que ces personnages préhistoriques qui se réclament de la culture de l'âge de pierre, ces bègues de l'art, retournent dans les cavernes de leurs ancêtres et y barbouillent les murs de leur scribouillage primitif et cosmopolite. Mais la Maison de l'art allemand de Munich a été bâtie par le peuple allemand pour son art allemand. Et voulant, exactement. Ouais. Là, ça ne peut être plus clair. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que Hitler les a menacés déjà en 1933, quand il dit « ça fait 4 ans, là, vous avez 4 ans pour changer, vous n'avez pas changé, maintenant, on passe à l'épuration ». Le lendemain de ce discours, parce qu'il y a l'inauguration de cette Maison de l'art, l'art officiel au fond, on construit à l'art allemand nazi officiel, celui qu'on aime, on lui construit cette maison à Munich. Le lendemain, à Munich, s'ouvre une exposition sur l'art dégénéré. Ça va être un petit peu le point culminant de notre histoire aujourd'hui. Pourquoi le régime qui déteste cet art décide de montrer cet art? C'est vraiment très paradoxal. On se demande quelle est la motivation derrière cette politique. Mais en même temps, quand on regarde la politique publique allemande et nazie, on comprend aussi qu'il y a cette volonté constamment de présenter, de montrer ce qu'on veut détruire. Oui. Par l'autodafé en 33, par les expositions sur le péril juif dans les années 30. Et là, encore une fois, c'est une volonté de présenter avant de détruire. Et donc, il y a quelque chose de pour s'en moquer aussi. Pour s'en moquer, dans le cas d'exposition de Munich. Effectivement, on s'en moque, on montre l'ennemi, et puis par la suite, on détruit l'ennemi. Et on détruit l'ennemi par le feu, on détruit l'ennemi par les paroles. Et il y a quelque chose de dans ce geste public, une volonté d'humiliation ouais. encore plus forte. Et ces œuvres de grands maîtres vont être présentées, pour qu'on comprenne bien l'esprit de la chose, vont être présentées à côté de dessins faits par des aliénés mentaux. C'est exactement. Ça qu'on va montrer à Munich. Exactement. L'exposition, en fait, la scénographie est incroyable. On accroche les œuvres n'importe comment. À côté des œuvres, il y a des petits cartels qui dénigrent l'œuvre. On va, par exemple, donner la date d'achat par les musées allemands et le prix qu'on a payé ouais. pour montrer que ces œuvres qui ont été achetées dans les années 20, par exemple, c'était une époque où les Allemands vivaient une inflation terrible. Mmh. Et donc, le gouvernement allemand a dépensé des sous pour acheter des œuvres de malades mentaux. Donc, c'est une volonté d'humiliation totale. Qui est exposé à l'occasion de cette exposition et comment se fait le choix des œuvres, Karl Bouchard? Oui, le choix des œuvres se fait par un appel, en fait, au musée allemand. On va demander au musée allemand de retrouver et de donner les œuvres qui datent d'à peu près... postérieure à 1910, à peu près. 1910, c'est une date assez importante. C'est le début de l'abstraction avec Kandinsky. Et pour les nazis, c'est un peu le couperet. On peut commencer à partir de 1910. Et la liste des œuvres, la liste des artistes, ben, elle donne un peu le vertige. C'est Chagall, par exemple. C'est Paul Klee. C'est Georges Grosz. C'est Oskar Kokoschka. C'est Marx Ernst, un des grands peintres du dadaïsme. C'est Otto Dix, un mm-hmm. des vétérans de la Première Guerre mondiale qui a fait des œuvres incroyables sur l'atmosphère de guerre, sur les attaques au gaz, donc qui va être aussi présenté. C'est Vassili Kandinsky, donc le père de l'abstraction. C'est Mondrian, donc des œuvres qui aujourd'hui sont absolument réputées à travers le monde oui. et qui sont dans cette exposition. Il y a un formidable paradoxe, un premier, parce qu'il y en a quelques-uns, un premier paradoxe extraordinaire avec cette exposition de Munich sur l'art dégénéré, c'est qu'elle sera immensément populaire. Il y a 5 fois plus d'Allemands qui vont venir voir l'art dégénéré que... l'art exposé, l'art officiel exposé juste à côté dans un autre musée de Munich. En face. En face. Les deux bâtiments se faisaient face. Et ça, les chiffres aussi sont très impressionnants. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que certains historiens ont dit le coût d'entrée était ridicule et donc ça encourageait les gens à y aller? Est-ce que c'est parce que les Allemands effectivement trouvaient cet art complètement dégénéré et que c'était une façon pour eux d'exulter, en fait, mm-hmm. un exutoire? Ou est-ce que c'était parce que les gens se sont dit, c'est la dernière fois qu'on pourra y aller, ouais. c'est la dernière fois qu'on pourra voir ces œuvres, alors allons-y. Et cette interprétation, cette hypothèse n'est pas forcément mauvaise dans la mesure où les nazis n'ont pas tenu à ce que cette exposition demeure pendant des années et des années. Ça a trop bien marché. Ça a très, très bien marché. Ça a fait une tournée, l'expo a tourné un peu, mais on ouais. a mis fin à la tournée parce que ça marchait trop bien. Exactement, ça marchait ouais. très, très bien. Et donc, c'est quand même louche, un régime qui veut humilier des artistes ouais. et qui, en même temps, connaît une exposition, connaît une telle popularité. Que deviendront les œuvres de ces artistes? Que deviendront les artistes eux-mêmes associés à l'art dégénéré sous le régime nazi? On écoute d'abord Jacques Polieri parler du cas de Kandinsky à l'émission Une vie, une œuvre, diffusée à l'antenne de France Culture en 1993. Vous entendrez ensuite le critique d'art Georges Bondaille à l'émission Regards sur l'expressionnisme, diffusée en 1981. Il est évident qu'il a compris immédiatement que face à cette terreur planifiée, eh bien, son art n'avait plus aucun sens, et c'est ce qui va le conduire à quitter Berlin et à se fixer à Paris. Les toiles de Kandinsky, comme les autres toiles d'avant-garde, seront arrachées de tous les musées allemands. Elles ne seront plus diffusées ni représentées. Une partie des toiles d'avant-garde seront vendues à l'étranger pour alimenter les caisses du parti nazi. C'est ainsi que se constitueront les grandes collections américaines. Ces œuvres disparaîtront d'Allemagne. Les toiles qui n'étaient pas vendues furent incendiées à la caserne des sapeurs-pompiers de Berlin. Et on gardera des spécimens de cet art dégénéré dans l'armoire à poison. destinée à ces fameuses expositions qu'on verra à Munich à la Haus der Kunst sous le titre Endart der Kunst, art dégénéré. C'est la grande dispersion. Il faut dire que eux sont les uns suisses, les autres russes, les Allemands qui restent sont frappés de sanctions. La première est le Ausstellungsverbot, c'est-à-dire ils n'ont plus le droit d'exposer. L'interdiction ira jusqu'au Malereiverbot, c'est-à-dire l'interdiction de peindre qui frappera des hommes comme Nolde. Et pour un artiste dont la vie est de peindre, de travailler, de dessiner, c'est une chose vraiment très très cruelle. Et bien entendu, injuste et inutile d'insister. C'est assez, assez horrible ce que vont vivre ces artistes, en fait. C'est terrible. À partir des années 30, alors là, on parle des suites de l'exposition, mais dès les années 30, la Chambre des beaux-arts allemande avait déjà cette possibilité de surveiller les artistes, de proposer qu'un artiste cesse de produire, que ses toiles ne soient plus exposées. C'est une traque, et c'est une traque qui aura des conséquences terribles. Alors, on le disait dans l'extrait, il y a des artistes qui vont s'exiler. Certains ne retourneront pas en Allemagne. Certains, comme Kirchner, Ludwig Kirchner, vont se suicider au terme de cette exposition. C'est détruire le geste individuel, en fait, de création. Et en soi, c'est vraiment un geste particulièrement violent. Et on a parlé dans cette émission essentiellement des peintres, des sculpteurs, mais l'art dégénéré touche toutes les disciplines. Cinéma, musique, littérature, on le voyait un peu plus tôt, avec une différence, puis je reviens à ce qu'on entendait dans l'extrait qu'on vient d'écouter, pour la peinture, avec cette différence, et c'est d'un cynisme inouï qu'on va marchander ces œuvres. Après l'exposition de Munich, on va vendre ces œuvres pour financer le régime. Oui, c'est tellement honteux, en fait, comme geste. Il y a quelque chose de terrible, et puis on raconte que certains collectionneurs ont gardé les enchères extrêmement basses pour justement éviter que le régime s'enrichissent à travers des œuvres qui conspuaient par ailleurs. Donc, il y a là quelque chose de tellement absurde dans le geste et de tellement honteux que c'en est très, très, très impressionnant. En même temps, il faut se rappeler aussi que ce qui se passe en Allemagne dans les années 30 se passe aussi en Union soviétique au même moment. Il y a aussi, du côté chez Staline, une volonté d'avoir un art officiel, le réalisme soviétique. Mm-hmm. Donc, les totalitarismes contrôlent l'art, veulent contrôler l'art, parce que pour eux, l'art, c'est important. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça dans une démarche individuelle. Ça fait partie du politique, et c'est pour ça qu'on doit le surveiller, le contrôler. Et ça nous dit que, au fond, c'est un indice. Quand le politique se met à vouloir contrôler l'art, c'est que la démocratie a du plomb dans l'aile. C'est ça la grande leçon de cette histoire. Exactement. Quand on commence à censurer les artistes, c'est que c'est la première brèche, en fait, vers la remise en cause de la liberté d'expression. Ces artistes qui font sortir eux-mêmes qui sortent d'eux-mêmes à travers leur création. Donc, c'est un signe, justement, et c'est pourquoi les totalitarismes ont toujours cherché à contrôler très rapidement la production artistique. Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, c'est toujours un vrai bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup, Carl. Merci, avec plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Antoine Gauthier-Trépanier, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Martin Vaillancourt. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.